Planète Rap. 100% rap français. Et c'est parti pour la nocturne 100% rap français juste après D-Fool sur Skyrock avec beaucoup de son de rap français. Et puis un invité qui vient de débarquer. À l'instant, c'est un garçon qui s'appelle Joe Le Fesneau. Ah bon ? Ah bon ? Comment ça va, Joe ? Et toi, Fred ? Tranquille. Content de te voir parce que tu es quand même le mec qui fait le buzz en ce moment. On dirait bien. Hein. Alors, je sais pas si c'est à contre-cœur ou pas, mais. Explique-nous un peu ton parcours, Joe, s'il te plaît. Toi, t'es un mec de Paris, 20e. Ouais, 20e, hein ? Ouais, c'est ça. Ouais. La banane. Une grosse dédicace à la banane. Ah, bien vu. La banane aussi, dédicace alors. Alors expliquez un peu le parcours de Joe Le Fesneau, c'est qui, c'est quoi, ça va où, qu'est-ce qu'il y a de sorti, qu'est-ce qui se passe? Bah Joe Le Fesneau c'est un artiste parisien, du 20e comme t'as dit, de la banane. Voilà, je prépare, j'ai déjà sorti un projet qui s'appelle Chacun l'attitude, pour ceux qui connaissent. Là je suis sur mon deuxième projet, là il est bientôt, c'est la finalisation tu vois. Chacun l'attitude volume 2 bientôt. Et voilà, ça fait 7 ans que je fais du rap et je suis là. Et quand même, il faut dire, ces derniers temps, quelques petits soucis, quelques petites histoires à cause d'un clip, à cause d'un morceau qui s'appelle Bavure. Ouais, quelques petites histoires, tu vois. Bon, on va en parler ce soir dans la nocturne. Ouais, on va en parler. Allez, écoute, on voit de la nocturne 100% rap français. Tu sais quoi, je vais mettre un morceau qui s'appelle Chacal Attitude, parce que c'est un morceau qui date de quoi, 4-5 ans maintenant hein. Ouais, 5 ans. Ouais. C'est ce qui marque un peu tes débuts ou pas, Joe? Ouais, les premiers classiques, on va dire. Et bon, on y va, coup d'envoi. Joe Le Fesneau est dans la nocturne 100% rap français. Ouais. Pendant une bonne heure sur Skyrock, minuit et quart, c'est parti. On y va, coup d'envoi? C'est parti. Planète Rap. 100% rap français. Joe Le Fesneau. Hein? Joe Le Fesneau. Ouais. La chacal attitude, poteau. Joe Le Fesneau. Celui qui t'excite au mic. T'écoutes mon son, t'en deviens toxicoman. Dans ce putain de rap, y'a que des gros mythomanes. C'est grâce à lui que je t'y appelle le Joxy do Mike. Viens pas t'es, ça sera pas rentable. Dealer de pêche. Y'a de la S si t'es pas rentable. Quand ça pas rentable, grosso, faut pas mettre Harvard. Devant les brolics, ça cavale. Devant les meufs, ça joue les Alpach. À la page, tu n'es pas, donc casse-toi du RAP. Passe des nuits blanches à me poser et gratter sur des canapés. Celle-ci pour mes Konaté, ma Didier, ma Kenzie. À la recherche du Khaleesi, car c'est la haise dans ma Tessi. Ma Tessa, dis ta mère à la pute. Si tu m'as des sauts, du matos. Sky les MC, comme des ma des sous. T'as des sous, Psartek. Pas la peine de les montrer, tu pètes des fous. Psartek, pas la peine de les compter. Les condés, c'est des petits cons qui méritent de se faire plomber. Le rap, c'est le plan A et si j'échoue, la street c'est le plan B. Glandé au fond de la classe, c'est tout ce que je faisais en cours. J'ai beau balancer du lourd, les chacals en veulent encore. Violent comme, quand t'es pris en flamme, aussi non comme. Quand tu te fais remonter sur ta bus, sortelle aussi ma com. Si ma team te wanted, vaut mieux te couper la tête. Ou prendre la CB de ta daronne et puis retirer tes dettes. Des bêtes, si tous les jours tu fais que fumer tes pètes. Dépêche, pose vers l'avenir avant que l'avenir mette des pêches. Chacal attitude, moi je suis mangé pas mal durant ma jeunesse. Hein? Des touches, il faut que j'aille en fourrer. À Los Angeles, je laisse aucune chance. La gloire, c'est pas toi qui me la donnera. Dans le rap, je suis un virus. T'as le choléra. Trop nerveux pour CPD. Ne crois pas que je gollerie. Ils font que faire du boucan et raconter des conneries. Une dinguerie dans les bacs, dans nos rues. Je fais la bac. Quand ils sont en manque de niaque, ils viennent fouiller dans nos bacs. Pas les pattes, j'en mets une, deux ou trois si tu résistes. 75, Paris Est, la banane, c'est où je réside. À Paname, c'est la guerre. On se croirait dans les phases. Mais là, c'est endetté. C'est la merde. Job, si t'as paralysé. Paralyse les MEC. Même si son taquet chaud, je te laisse en. Enregistrer mon numéro que si tu pécho. Joe Le Fesneau, celui qui te nique ta maman. Dans le rap pour le moment, c'est plus dans un an. Dans la vie, faut pas se laisser marcher sur les guêpes. Et j'ai char, faut pas stresser, calme bien dans tes yeux. Plus le temps passe et plus les humains y s'écras. Faut que ça brasse avec de la cesse ou du queucra. La street nous a piédra, l'école elle nous a calreux. L'argent fait pas le bonheur, ah ouais ramène-moi un clochard heureux. R.O. j'ai les crocs, je vais qu'écro le micro. Ces mythos font les 6 gros mais prennent encore le métro. Joe Le Fesneau du T0, je rappe pour les chacal, toujours là sur le terre-terre, qui fait chaud, bien qui caille. L'instru, elle est bien qui ca, car là j'ai bien kické. Lâche un big up à Mickey, salement je vais répliquer. Tes veines faut pas te les piquer, moi je peux pas tout expliquer. La cité c'est compliqué, tout ça la recherche des criquets. Tout est permis pour friquer, deal est chopé ou braqué. Pour prendre des thunes en paquet, ce putain de son c'est un paquet. Les MC rien qui paguait, photo là je suis au taquet. Le RAP j'allais m'attraquer, par la suite il va me traquer. C'est ta cervelle qui va craquer, quand j'aurai fini de paquer. Comme dit maestro moqué, nique la mère à tous les bacs. Hein? Comme dit maestro moqué, nique la mère à tous les bagueux. La nocturne de Sky, 100% rap français, 100% explicite lyrics. La nocturne. Celui-là il s'appelle Véridique. Voilà, il fait partie du projet Chacal Attitude volume 2 qui sort bientôt. Gros, j'ai bossé dur, mon Renoir, j'ai charbonné. J'espère que tout le mal que j'ai fait un jour sera pardonné. donner sans espérer qu'on me rendra. On m'a souvent déçu, mais bon, ça m'apprendra. Le bien, c'est raison que le mal ne connaît pas. Pris de temps à autre et ignorant, on pense qu'on ne l'est pas. Ouvre tes yeux et ferme là s'il y a des choses à faire. Donne ton soutien comme un bonhomme si t'as des frères à freine. Pour moi, l'idéal serait de quitter la vidéo. J'suis pas un exemple, j'ai juste la zik et des vidéos. J'suis pas blindé, même si dans le shit, moi j'ai visé haut. Tu les respectes, mais t'es qu'une pute dans la vie des autres. C'est d'art, mec, ça sent la rue à plein nez. J'veux bien ma clientèle, contacte-moi si tu veux planer. J'ai beaucoup de connaissances, mais très peu de refrains. Là, chaque à l'attitude, cherche pas plus loin, j'en suis son reflet. On en a fait des choses étant gamin. Viennent à trois sur toi, les autres perdront leur couille, c'est dans Goum 1. Cercle vicieux, madame, la rue est si charmante. Certaines seraient prêtes à donner leur cul pour une chicha menthe. Et si ça marche, le peur à qu'est-ce que je vais devenir. L'argent, la célébrité, forcé de laisser les devenir. Toujours la tête sur les épaules, mon gros, ça bouge. Hop, la drogue a mis KO, pas mal de gens renoient. De couche up, j'ai la rime facile, mais m'arrêter reste difficile. Arrête ton paratin ici, on sait que t'es en déficit. T'as fait si ça, si si, on en a rien à foutre. J'étais bon, ma cause illicite, j'ai dû arrêter le foot. Je suis loin de me prendre pour un bandit. À l'époque, la primaire, je prenais que du rap à la cantine. J'avais la dalle, et d'ailleurs, je l'ai toujours. J'ai côtoyé des fils de pute à qui je dirais même plus bonjour. Ma plume est véridique, bref, tenez ces cadeaux. On chicote à la parisienne, et gigote comme à Chicago. Ma plume est véridique, bref, tenez ces cadeaux. On chicote à la parisienne et chicote comme à Chicago. On chicote à la parisienne et chicote comme à Chicago. Ma plume est véridique, bref, tenez ces cadeaux. C'est la nocturne, c'est 100% rap français. Et Joe le Feno qui nous rend une petite visite ce soir dans la nocturne 100% rap français. Joe, ouais, un petit mot, est-ce qu'on peut trouver tes sons pour l'instant? Ah, mes sons, tu peux les trouver sur YouTube, tu peux me trouver aussi sur ma page officielle sur Facebook. Tu vois toutes les actualités du Feno en direct. Donc voilà, c'est Joe le Phénomène, ma page Facebook. Bon alors, Joe, on va aborder parce que là, je vais passer un morceau qui s'appelle Bavure. Ce morceau t'a apporté quelques soucis ces derniers temps. Explique-nous un petit peu ce qui se passe. Bah, je t'explique, voilà, j'ai fait un son qui, visiblement, il a pas plu au syndicat, à deux syndicats de police et à un ministre. Donc voilà, il y a une plainte qui a été déposée contre moi. J'ai envie de dire que tu arrives dans une longue lignée, puisque évidemment depuis 20 ans, que ce soit Minister Hammer qui ont été les premiers attaqués en France avec le morceau Sacrifice de poulet, avec Brigitte, femme de flic, etc. Tu fais partie d'une longue lignée. Ouais, on va dire ça. Mais toi, c'est quoi en fait? Qu'est-ce qu'il y a au fond de ce morceau? C'est pas de la haine anti-flic? Non, c'est rien de tout ça. Pas du tout. C'est rien de tout ça. C'est des conneries, ça. Ça, c'est les médias qui font tout un plat, tu vois. Ce son-là, à la base, c'était une dénonciation, c'était pour dénoncer. Tu vois, c'était pour dénoncer. Tu viens de quoi, en fait? Pourquoi t'as écrit ce morceau? Tout simplement parce que c'est la merde dans mon quartier, on en a marre des bavures, des contrôles musclés, de tout ça, tu vois. Ça veut dire. Donc c'est quoi? C'est contrôle au quotidien, c'est ce que. Contrôle au quotidien pour rien, tous les jours, 10 fois dans la journée, ça y est, on en a marre. Tu vois, donc il y a un moment, t'as fait un morceau donc, qui s'appelle Bavure, il y a eu un clip aussi qui va avec. Ouais. Est-ce que tu regrettes des choses sur ce morceau depuis que tu sais que t'es attaqué sur ce morceau? Non, il n'y a rien que je regrette sur ce morceau. Le morceau, il est très très lourd. Le morceau, c'est un classique. Il est très très lourd. C'est du sale. On va écouter ce morceau. Juste un truc, évidemment. Non, je tiens à préciser parce que c'est vrai que ces derniers temps, surtout par rapport à la police, etc., il y a eu différentes aussi. Je pense qu'il y a un moment où il faut aussi regarder en face sur ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a eu des choses, je pense à Adama Traoré notamment cet été, qui a été victime, on sait pas trop parce qu'il y a une enquête qui est en cours et il vaut mieux attendre évidemment. Ouais. C'est des choses toi qui te touchent profondément? Ben bien sûr, et ça touche pas que moi, tu vois. En priorité, ça touche leur famille, tu vois. Et moi j'ai une grosse pensée pour leur famille. Je sais que je connais pas cette douleur, mais je sais que ça doit être difficile, tu vois. Et faut que justice soit faite. Faut que justice soit faite, que ce soit que n'importe quel criminel, faut qu'il soit condamné, tu vois. Et faut que justice. Dans les deux sens. Dans n'importe quel sens, n'importe quel criminel, il doit être condamné. Donc ce morceau s'appelle Bavure. Je rappelle évidemment que ce n'est pas une haine anti-flic ou quoi que ce soit. C'est juste une réaction. C'est un coup de colère. C'est plein de choses autour de ce morceau. Toi, tu l'as fait avec tes mots. Et en plus, je trouve que le morceau, honnêtement, quand je l'ai écouté. Ouais. Après le clip peut-être, évidemment, le clip c'est différent, il y a les images, etc. Mais sur le morceau, je peux comprendre ce coup de colère, parce qu'il y a un moment, il y a forcément un ras-le-bol. Il faut entendre ce ras-le-bol aussi ici en France, pour avancer, pour passer à d'autres choses. Donc tu l'as fait toi sur un côté spontané, il n'y avait pas de calcul derrière tout ça? Il n'y avait pas une idée de rechercher du buzz ou quoi que ce soit? Rien du tout, tu sais, tu peux pas savoir comment un son il buzz, tu vois. Je me suis pas dit je vais faire ça, ça va, tout le monde va en parler, tous les médias ils vont en parler, tu vois. Je me suis pas dit ça. Maintenant, c'est fait, c'est fait. Et c'est comme ça, t'as vu, c'est la vie, c'est comme ça. On écoute ce morceau, Joel Feno, après le contrôle de la Nocturne, 100% rap français. Ah, ah bon. Ouh, vous êtes où? Feno, M-N, Feno, M-N, Feno, M-N, Feno, M-N, Feno, M-N, Feno, M-N, les émeutiers. Sur la justice et sur la mère du commissaire. Chacal c'est triste, trop de nos frères sont partis à cause d'une bavure policière, hein. Leur donner du respect, éviter sans hésiter, faut les fumer. Sous commission et la cité, à notre tour de prendre des clichés. Souriez, vous êtes filmés. Bande de putains, vous n'êtes plus qu'à tourner et baver. Planter et passer aux aveux, enchaîner les bavures et mentir aux faveux. T'as vu, c'est celle du plus fort ici. C'est pas la police qui fait la loi. Leur tête a bougé dans le freestyle, moi. Et maintenant Zerma, ils en veulent à moi, Les petits chez moi vous sauvez, hurler. Les condés ne passaient plus dans la cité. Pour ça qu'au final les GP sont brûlés. Les médias vous couvrent, hein. Mais nous à la banane on vous voit comme des chacals. Vous avez la frousse, hein. Des animaux sauvages appelés les chacals. Où sont les condés? Où sont les condés? On va les dompter. On va les dompter. Combien décédés? Combien décédés? On peut plus compter. On peut plus compter. Où sont les condés? Où sont les condés? On va les dompter. On va les dompter. Combien décédés? Combien décédés? On peut plus compter. On peut plus compter. Les émeutiers sont à ils attendent le signal. La France va mal, normal, chacal, ça va péter dans tout Panache. Les émeutiers sont à ils attendent le signal. La France va mal, normal, chacal, ça va péter dans tout Panache. Ah bon? Ah bon? Je baisserai la France jusqu'à ce qu'elle m'aime. Les cités sont déchaînées et vont se défouler sur la flicaille. Veulent pas boire de lait au petit déjeuner, mais juste se farcir de la volaille. Nos couillets sont détonnés, ce qu'on veut c'est la guerre, pas la bataille. Ils nous font pitié alors peut-être qu'on est un peu obligé de les racailler. Niquer du cerveau déterminé, arnée du plus petit au plus âgé. L'époque des contrôles elle est terminée. Armer les prolixes sont usagés. Vous rafaler pour se soulager et faire couler les larmes de vos mères. C'est eux les tueurs, faut pas mélanger. Ils ont assassiné beaucoup de nos frères. Leurs enquêtes à la télévision sont faites pour nous viser. Calculez pas leurs émissions, en vrai ils savent ce qu'ils visaient. Les médias vous couvrent, hein. Mais nous à la banane on vous voit comme des chagas. Vous avez la frousse, hein. Des animaux sauvages appelés les chacals. Où sont les condés? Où sont les condés? On va les dompter. On va les dompter. Combien décédés? Combien décédés? On peut plus compter. On peut plus compter. Où sont les condés? Où sont les condés? On va les dompter. On va les dompter. Combien décédés? Combien décédés? On peut plus compter. On peut plus compter. Les émeutiers sont à ils attendent le signal. La France va mal, normal, chacal, ça va péter dans tout Panache. Les émeutiers sont à ils attendent le signal. La France va mal, normal, chacal, ça va péter dans tout Panache. Aïe. Ça, je vais me les faire. Ça va péter dans tout Panache, enfoiré. Je le fais, nous, sur Skyrock, les amis. Chacal attitude, mon gars. Hein? Ah bon? Je reviens très déter, gros. Ça y est, je vais me les faire. Brûler dans la bouche et voilà mes fers. Les frères, je reviens déter. Faire bouger des nuques, t'inquiète pas, ça on sait faire. C'est vert, mais pourtant je suis pépère. Autrement dit, tranquille, pépé. Mes gars, va m'en dire, pépé. Qu'est-ce que t'attends, vas-y, va te ouais. J'enchaîne les classiques. Sur le cas, mais tout le monde d'accord, c'est la RUE. Dis-moi tout, la famille, t'es plutôt vrai chacal ou bien trapule. Toujours accompagné de mon équipe. Défais le phéno, dis-moi qui peut. Tu m'as mis une couille, je te faisais ta mère. Tu vas ramener l'oseille, on n'est pas quitte. Fils de pute, t'as plus dans tes clips. Gonfle à ses pectoraux. Charma, t'as des grosses coraux. Les flancs nous disparaîtront comme ton paquet de Marlboro. Ah bon, ah bon. Eh gros, le rap est pas en couille parce que c'est chien rap pour les chats. Si je me fais des autres, ils travestissent leur carrière pour passer en radio ou en boîte. Merde alors, on dirait que le rap purée dur ne pète plus. Il paraît que t'as reçu ma mie en pépé. Arrête de faire râler pour toi t'en peux plus. Le feu de Joel Feno n'est pas à péter. Cadet maintenant c'est le but de cette pute. Pour elle c'est à la mode d'avoir un bébé. Un joli tisse mais aux cheveux crépus. De quoi je suis capable? Non tu ne sais pas. Jamais. Mes champions je vais niquer des mères. Et je vais même enculer ceux qui séparent. Ça y est, c'est la fin pour eux. Marre de ces rappeurs pourris. Ah bon, ah bon. Et quand je dis rappeur, chacun, mets-toi dans la tête que je dis ça pour rire. De quoi je suis capable? Non, tu ne sais pas. Jamais, jamais. Méchant bien que je vais niquer des mères et je vais même enculer ceux qui sait pas. Ça y est, c'est la fin pour eux. Marre de ces rappeurs pourris. Ah bon, ah bon. Et quand je dis rappeur, chacun, mets-toi dans la tête que je dis ça pour rire. Gros, je vais dire un truc. Les plus exposés sont pas forcément les meilleurs. Tu veux un texte lourd? Viens voir le phénomène, mais laisse-moi juste l'écrire en une demi-heure. Tic, rien parmi nous joue pas le ouf parce que t'es Tony pour une histoire de pouf ou de bagarre. Trop de putes sur l'échelle, gros, et si ça continue, je vais finir par les hackdown. J'en veux comme à l'ancienne, je m'envoie pas de vie, je reste frais, c'est l'essentiel. Jamais. Y'en a qui ont des principes et d'autres qui braqueraient leurs frères sans gêne s'ils se retrouvaient sans aile. Moi j'ai pas changé, toujours le sang chaud, chaque âge kick ça les sages, j'aime. Jusqu'il y a toujours le danger, je veux du zay zay, tout pour moi les délits s'enchaînent. Des sottises, raconte l'ailleurs, tu vas pas me la faire. Dans mon équipe on a du cœur, mais nos ennemis te diront qu'on lâche pas l'affaire. Jamais. T'as vu cette putain de zik, et ne sais que t'aimes remets là. T'as vu, y'a plus d'MC parce que Feno M-E-N-E est là. Ça devient mystique, t'as plus besoin de moi, ça y est tu m'esquives. Il en faudrait plus pour que tu mastiques et tu reviennes faire sa tête de miskin. L'estime de soi-même c'est plus important que le style. Je me dois te l'apprendre en toute modestie. Et maintenant va me chercher mon ice tea. De quoi je suis capable? Non, non tu ne sais pas. Jamais. Mais je sens bien que je vais niquer des mères et je vais même enculer ceux qui sait pas. Ça y est c'est la fin pour eux, marre de ces rappeurs pourris. Et quand je dis rappeur, chacal, mets-toi dans la tête que je dis ça pour rire. De quoi je suis capable? Non, tu ne sais pas, jamais. Mais je suis en plein, je vais niquer des mères et je vais même enculer ceux qui sait pas. Ah bon? Ça y est, c'est la fin pour eux. Marre de ces rappeurs pourris. Ah bon? Et quand je dis rappeur, chacal, mets-toi dans la tête que je dis ça pour rire. Feno, M.E. C'est la Nocturne. Le garçon s'appelle Joel Feno, il est au contrôle de la Nocturne ce soir. Oui, on c'est moi. On découvre les nouveaux talents, ceux qui vont marquer 2017 dans la Nocturne, vous le savez. Ah bon? Ah oui, ah bon. Et lui, c'est Joel Feno. Joe, ouais, mon gars. Retrouver. Qu'est-ce qu'il y a de sorti pour toi, honnêtement? Concrètement, si jamais il y a des gens qui nous écoutent dans la Nocturne qui se disent « Putain, j'aimerais bien retrouver des sons ouais. », où est-ce qu'on peut retrouver tes sons, Joe, ce soir, par exemple? Mes sons, tout de suite, tu peux taper Joel Feno. Joe le Feno, a.k.a. Joe le Phénomène sur YouTube. Tu trouves des sons, tu trouves t'as de quoi faire, tu vois. Après, comme je disais tout à l'heure, il y a ma page officielle ouais. sur Facebook, Joe le Phénomène, sur tous les réseaux, Joe le Phénomène. Voilà. Et est-ce que tu là. Veux saluer les gens qui sont autour de toi, Joe? Ouais, je salue déjà mes gars qui sont autour de moi, qui back, qui sont là. Oui, tous j'entends, sont j'entends, là, j'entends, là. J'entends, les mecs sont chauds. Ah, ils sont très très chauds, mon gars. Jusqu'à le poteau à côté, là, ils transpirent, mon gars. Ah bon? C'est une galère. Ils transpirent assez chaud, mon gars. Tu vois? Joe, on écoute un morceau? Un morceau qui s'appelle Trop d'avance. Ah, ah bon? Ça, on peut le trouver pareil, on clique, on trouve Trop d'avance. Sur YouTube direct. Direct. Sur YouTube direct. Il y a tout sur YouTube, il y a tout. Tout ce que. Il y a de quoi faire. Trop d'avance, Joel Feno a pris le contrôle de la Nocturne 100% rap français, c'est lui. C'est moi. Feno, M-E-N-E. C'est moi. Oui, j'ai trop d'avance. Trop d'avance. Gros, j'ai trop d'avance. Trop d'avance. Sortira son temps les 6 mois, mais j'ai trop d'avance. Trop d'avance. Eh, oui, j'ai trop d'avance. Gros, oui t'as capté là, j'arrive très très salement. Pareil tu parles de moi insolemment. Je vais te torturer sans les mains. Oui. De plus en plus brouillant mon gars va. Dites à la concu que je vais niquer leur mère et que j'ai la bite encore plus longue que mon bras va. En vrai de vrai c'est tous des gangsters. Juste derrière l'appareil. Rien qui savent des films en vrai. Dans la street comme nous ça fonctionnait pas pareil. Non ce n'est pas pareil. Sale grosse putain avoue-le. Comment définir le Feno en 4 mots? Véridiquement un chacal crapuleux. Ok. Vive la team du maestro moqué. Celle de Biggie, celle de Kazmi. Mes Feno supporters dans peu de temps vous serez choqués. Oui. Hein vous serez choqués. Si vous n'êtes pas encore, bref, reviens pas vers quelqu'un qui t'a boycott. Si tu n'es pas encore, Tu marches avec des gens par intérêt au féminin, ouais tu fais la chienne. Tu fais du mal à des gens, t'oublies leur tête, mais eux n'oublient pas la tienne. Jamais. Dans ce bas monde, t'es fait surtout pas passer pour un con. Ah non, non. Attends, garçon, tu croyais pas au phéno. Ah bon, ah bon. J'ai trop dormir chez moi, mais j'ai trop d'avance. Sortir un son tous les 6 mois, mais j'ai trop d'avance. Ouais, ouais, j'ai trop d'avance. Trop d'avance, trop d'avance. J'ai trop d'avance, j'ai trop d'avance. Trop d'avance. 100% rap français. 100% explicite lyrics. La nocturne. Ce son-là, je vous le présente, il s'appelle La Rue. Le clip est dispo sur YouTube. La Rue, autrement dit La Street. Clip dispo sur YouTube. Très très gros clip. Très très très gros clip. Joe Le Feno, La Rue. Ah bon? Ah bon? Elle attaque en traître, elle dit pas un mot. Rempli d'hypocrites, son quotidien est parano. Apparemment, on est dedans. Pour quitter la hesse, elle a tendance à faire frissonner comme une pute qui te la hesse. Elle peut être triste, cool, sombre ou émouvante. Étouffante, très étouffante. Et porte l'œil à ceux qui se vantent de vendre de la coke, du crack ou de l'héro. Ouais, négro, d'un jour à l'autre, elle peut te faire tomber à zéro. Chez elle, y'a pas d'héros, juste des mecs matrixés. À la recherche des euros, un gros billet fixé. Dans la tête de tous ceux qui y traînent, elle est trop dangereuse, normal que les pas que la craignent. Celle qui t'a bercé. Chez elle trop de larmes et trop de sang sont versés. Ceux qui la côtoient sont versés. Compte sur elle pour percer. Dans l'illicite c'est clair. C'est la rue, autrement dit la street. Elle peut t'enlever la vie, elle est claire avec son string. Avec son string. Elle connaît gros comme une pute avec un string. Chez elle c'est la course au ralice. Ma gueule putain faut qu'on sprint. Faut qu'on sprint. La rue, autrement dit la street. Autrement dit la street. Elle peut t'enlever la vie, elle est claire avec son string. Elle connaît gros comme une pute avec un string. Chez elle c'est la course au ralice. Ma gueule putain faut qu'on sprint. Grâce à elle, t'as rencontré tes vrais. De base des connaissances avec le temps devenus des frères. Il est vrai qu'elle t'a endurci mentalement. Étant plus jeune, partir en guerre, c'était le calmant. Notamment toutes ces épreuves t'ont fait devenir un homme. Un homme. L'enfant de la street, c'est comme ça qu'on te nomme. Vu que tu la quittes pas, t'oses répondre à ta mère. Et t'écoutes les anciens qui te parlent d'elle et de leur vécu avec fierté. Tu veux faire comme eux, mais tu sais que tu vas merder. Bah ouais, car tôt ou tard, le jeu s'arrête. Plus rien dans les poches, t'auras passé l'âge de bibi des barrettes. Celle qui t'a bercé. Chez elle, trop de larmes et trop de sang sont versés. Ceux qui la côtoient sont versés. Compte sur elle pour percer. Dans l'illicite, c'est clair. C'est la rue. Autrement dit la street. Autrement dit la street. Elle peut t'enlever la vie, elle est claire avec son string. Claire avec son string. Elle connaît gros comme une pute avec un string. Chez elle c'est la course au ralice. Ma gueule putain faut qu'on sprint. La rue, autrement dit la street. Autrement dit la street. Elle peut t'enlever la vie, elle est claire avec son string. Claire avec son string. Elle connaît gros comme une pute avec un string. Chez elle c'est la course au ralice. Ma gueule putain faut qu'on sprint. En sorte sont bien dans leurs vêtements, à part ceux qui l'ont quitté pour des surendettements. Sincèrement, si c'est possible, autant la vesqui. Chez elle, certains charbonnent et d'autres se butent au whisky. En dépend de ses risques, combien de thugs elle a vaté ça. Quand la haine nous fait du mal, l'argent sale et son vaccin. Ses murs changent, mais pas la routine. Elle donne le tournis comme une série de looping. Elle te loupe pas si elle t'a dans son viseur. Tu finiras dans ce qui t'avait dit le proviseur. Pour lui genre t'étais le fils d'immigré. Il est très finira dans la rue à migrer. celle qui t'a bercé. Gisèle, trop de larmes et trop de sang sont versés. Ceux qui la côtoient sont versés. Culturelle pour percer. Dans l'illicite, c'est clair. C'est la rue. Autrement dit la street, dit la street. Elle peut t'enlever la vie, elle est claire avec son street. Elle grogne gros comme une pute avec un string. Chez elle c'est la course au ralice. Ma gueule pute, la faut qu'on sprit. La faut qu'on sprit. La rue, autrement dit la street. Elle peut t'enlever la vie, elle est claire avec son street. Elle donne les gros comme une pute avec un string. Chez elle c'est la course au ralice. Ma gueule pute, la faut qu'on sprit. La rue, autrement dit la street. Autrement dit la street. La rue, autrement dit la street. Autrement dit la street. La rue, autrement dit la street. Autrement dit la street. La street. La rue, la street. La rue. Nocturne, 100% rap français, Joel Feno au contrôle. Le morceau s'appelle La rue. La rue, disponible sur YouTube. Gros, gros clip. Allez tout de suite sur YouTube. Enfin, après la nocturne, bien sûr. Bien vu, bien vu. Ah mon gars, on n'oublie pas, on n'oublie pas. La nocturne du contrôle, il s'appelle Joel Feno. C'est moi. Où est-ce qu'on peut te suivre, Joe? Par exemple, des gens qui te kiffent, qui ont envie de... Partout, de sur tous les réseaux. Sur tous les réseaux. Facebook, Joe le Phénomène. Ça, Joe c'est ma page Phénomène. Aussi. Ouais, mon vieux. Il vient du 20e, il est là. Il vient du 20, il est là, en direct de Sky. Aïe, aïe, aïe. Il va marquer 2017. Ah, il va marquer plus c'est que... sûr. Il va marquer encore plus que 2017. 2027 2027, 2047. Oh là là. 2107. Oh merde. On va aller loin, là. Le mec est intouchable. Là, un gros big up à Soso, au Carpla. Hein. Un gros big up à Dooms, mon gars Dooms. Mon gars Mad Max. Mon Mox. Hein. Angela, tout le monde. Un petit, aïe, aïe. Mot, un petit mot dans la nocturne. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rapper, toi, Joe? Ce qui m'a donné envie de rapper, c'est la vie. Hein. C'est je sais pas. C'était à la base. C'est je sais pas comment t'expliquer. C'est comme ça. Il y a pas des artistes en particulier. Toi, t'écoutais quoi, par exemple, Joe? Moi, étant petit, les gens qui t'ont marqué. Étant petit, j'écoutais beaucoup de Sefiu. Mm-hmm. Sefiu, j'écoutais Sefiu, Rof. Booba, Mac Taylor. Donc très rap tout français. Le monde, tu vois, très rap français. Ouais, j'écoutais, tu vois, je suis avec mon grand frère, il me fait écouter, tu vois, il me faisait écouter. Là et voilà. Et tu te souviens, toi, t'as commencé à gratter quand, en fait, Joe? J'ai commencé à gratter à l'âge de 14 ans. Mmh. À l'âge de 14 ans, ouais. Il y avait un truc, un challenge particulier ou pas? Il y avait quelque chose qui t'inspirait en particulier ou pas pour rapper? À la base des bases, j'ai commencé à gratter, on se faisait des clashs. On se faisait des clashs avec des potes. Ah, les fameux clashs. On se faisait des fameux clashs avec des potes. On a commencé à gratter. Et puis voilà, avec. Après j'ai continué. Et puis voilà, tu vois. C'est ça. Et bah Joe, on va écouter aujourd'hui. Tu nous feras un live tout à l'heure pour conclure la nocturne. Pas de soucis. Et voici le morceau qui s'appelle Vrai Chacal. Vrai Chacal. Véridiquement un chacal crapuleux. Le Phéno avec nous. Notez bien ce nom, il va marquer 2017, 2027, 2037, 2047. 2107, t'as oublié. Minimum. Aïe yo. Je fais du crade en direct de Paname. Paname, Paname, Paname, Paname. Les vrais chacals sont les mecs de la banane. Banane. Le flow le fait, on est en balle, ta mère vite fait. Avale. La rue, c'est pas fait pour tout le monde. T'arrives pas à faire des sous dedans, fais comme ton père. Travail, travail, travail. Oui, tu reconnais qui c'est. Oui, oui, ils vont pisser. Oui, oui, t'as reçu pas kiffer. Ha, ha, ha, ha. Nerveux parfois, c'est mon caractère. Sucer des pics, c'est ton cas à toi. Ramasse tes couilles, elles sont pas artères. Ha, ha, ha. T'apprécies le sommeil, n'hésite pas, remets-le. Paris, c'est la guerre, en vrai, pas qu'à la télé. Les billets, t'en parles, mais les billets, gros, fais-le. Fais-le, fais-le. Sinon, qui va t'en donner? Qui? Dis-moi qui va t'en donner? Personne. Non, t'es pas terrible, t'es rimé, ton flow sont archi téléphonés. Wesh, les mecs, la pêche ou quoi? C'est chacun son tour et son air de gloire. Tiens le coup si c'est la dèche pour toi. La parole de Dieu, moi j'ai peur de quoi? De rien, mec, sûrement pas de toi. Reçois des messages, on me dit bien vu le bail. De rien, les gars, y'a pas de quoi. Ce son là, il s'appelle Vrai Chacal. Vrai Chacal. Comme tous ceux qui sont à la table. Enfoiré. Ajoute sur Snap, Neymar Masso. C'est un bon. Masta Paris. Mais non, c'est El Maestro Moque. Sur Snap, ah bon, oui. Ça se passe. Ah bon. Ah bon. Ah bon. Ah bon. si t'as des sous de fou. Allez, parlez sur lui, mais sachez que le phéno lui sent pas les coups de vous. Et tant pis, les cadeaux se faisaient rares, mais je recevais souvent des coups. Bientôt, la fin de la trappe, et les rappeurs vont sauter comme des poux. Poto, je me les vif comme ma kélélé. On m'a dit à l'heure, je les prends d'une remêlée. Pour mes phénos supporters, j'y vais m'épeler. J'applique et ta raf, hors de ma vue. Rejoins si t'arraches pas, dans deux secondes. Mais tu sais quoi, les petits, vous niquez ta raf. J'ai trop bougé pour des gens qu'ils méritaient pas. Bah ouais, j'ai trop prouvé pour mélanger à tous ces merdeux dans vos débats. Bah ouais. Tu veux toucher de la peu, mais t'en fais pas. Tu peux me trouver en père la chaise, mais mon temps est gambé. Venez, arrête de forcer dans le pleura, surtout si t'es nul. Pour tout, je me prends pas la toute, c'est de la zique mais. Flow congolais, oui, tu me connais. Je le fais là, reviens cogner. Cette année, je vais pas déconner. Enfoiré. Cette année, je vais pas déconner. Non. Enfoiré. Cette année, je vais pas déconner. 100% explicite lyrics. La nocturne. C'est le 2-0. Hein? C'est moi. C'est qui? C'est moi. Féno. Celui que t'attendais? Féno. C'est moi, celui que t'attendais. Chaque rappeur a été inspiré. Pour ma part, c'est mon rôle qui m'a tenté. À l'heure qu'il est, j'ai pas touché d'argent dans le pleura. Mais tant que j'ai touché des cœurs, pour moi, c'est l'essentiel. Je viens d'un quartier sensible, là-haut. Les mecs ont charbonné pour avoir leur oseille. La banane grosso, tu vas te la manger, ouais, si t'es un haineux. Un phénomène au micro. Le 75 n'a jamais rêvé mieux. Jamais, jamais. J'ai envie de me faire de nouveaux amis. Car j'en ai trop eu qui m'ont déçu. Donc je me renferme sur moi-même et mon cerveau me pousse à faire le mec têtu. Ah bon. Veux-tu vraiment savoir ce qui se passe sur la rue du Riz? Oui, oui. Mes chacals sont posés à l'affût de la monnaie, n'ont pas peur de prendre des risques. Ah bon. Moi je veux savoir pourquoi ma génération part en cours. Pourquoi? C'est bien que c'est parce qu'on n'a pas de chat et qu'en vrai y'a trop de pute dans les alentours. Bref, c'est la merde dans le quartier. Le mauvais œil sans cesse observer. Les mauvaises fréquentations, faut très vite s'en écarter. Regardez autour de vous, vous verrez pas que des gens qui vous veulent que du bien. Attardez de la mentalité en bois, tu fais que de la malade dans ton frigo, y'a que du pain. Alors qu'il est, j'ai pas touché d'argent dans le pleura. Mais tant que j'ai touché des cœurs, pour moi c'est l'essentiel. Je viens d'un quartier sensible, là où les mecs ont charbonné pour avoir leur recette. Venez. C'est moi, celui que t'attendais. Chaque rappeur a été inspiré. Perso pour ma part, c'est mon rêve qui m'a tenté. Ouais. Alors qu'il est, j'ai pas touché d'argent dans le pleura. Mais tant que j'ai touché des cœurs, pour moi c'est l'essentiel. Je viens d'un quartier sensible, là où les mecs ont charbonné pour avoir leur rosé. Venez. C'est moi, celui que t'attendais. Ouais. Veno, M-E-N-E. C'est moi. Je fais du sale, je fais du propre. En vrai de vrai, tu peux appeler ça comme tu veux. Le temps il passe, faut sortir de la tête, avoir un taf. Fixe ma gueule, faire rentrer des sous comme tu peux. Dans ma tête, c'est un petit peu. Comme si j'étais atteint de la folie. Prêt à faire des dingueries à celui qui ferait du mal à un membre de ma famille. L'ami, la lamelle va te régaler. Faut tout de suite que t'arrêtes de parler pour parler, comme dirait Kazmi. Les sous, il le fallait. Paris remparo, perso, l'été m'a paru long, mais paraît-il que dans le sud de la France, c'est calé. Veux-tu vraiment savoir ce qui se passe sur la rue de l'MC? Oui, oui. Les types sont posés, écoute, je fais nos maestro, badox ou SM. Hein? Ah bon. Moi, je veux savoir pourquoi ma génération part en couille. T'es bien que c'est parce qu'on n'a pas de chat et qu'en vrai, y'a trop de pute dans les alentours. Bref. C'est la merde dans le quartier. Le mauvais œil sans cesse observé. Les mauvaises fréquentations font très vite s'en écarter. Regardez autour de vous, vous verrez pas que les gens qui vous veulent que du bien. Attardez de la mentalité en bois, tu fais que de la malade dans ton frigo, y'a que du pain. Alors qu'il est, j'ai pas touché d'argent dans le pleura. Mais tant que j'ai touché des cartes, pour moi c'est l'essentiel. Je viens d'un quartier sensible, là où les mecs ont charbonné pour avoir leur oseille. Venez. C'est moi, celui que t'attendais. Chaque rappeur a été inspiré. Pour ma femme, c'est mon rêve qui m'a tenté. Alors qu'il est, j'ai pas touché d'argent dans le pleura. Mais tant que j'ai touché des cœurs, pour moi c'est l'essentiel. Ouais. Je viens d'un quartier sensible, là où les mecs ont charbonné pour avoir leur oseille. Venez. C'est moi, celui que t'attendais. C'est qui? Veno, M-E-N-E. Oui, c'est moi. Bravo. Jaune Feno avec nous ce soir dans la nocturne 100% rap français, il est là. Ouais. Il est en forme, Jaune Feno. C'est moi, Fred. C'est toi, c'est toi. C'est moi, celui qu'on attendait. C'est lui, c'est toi. C'est moi. C'est toi. C'est moi. Jaune Feno, quel âge? Jaune Feno, 22 ans. Oh là là. Jaune Feno, 22 mais ans. L'avenir est à toi, Joe. L'avenir est à moi si Dieu le veut. Jaune Feno avec nous. C'est quoi, honnêtement, concrètement, qu'est-ce qui se passe pour toi dans les mois à venir, Joe? Dans les mois à venir, bah, pour moi, il y a des séances de studio qui s'annoncent. Et l'enregistrement de son très très lourd, des clips. Beaucoup voilà. De freestyle, parce que tu balances aussi des freestyles hein, sur le net. Ouais, je balance des freestyles. On va en écouter un qui s'appelle Sayan, hein, c'est bien ça? Ouais, c'est exactement ça. Mais toi, c'est ton truc, balancer des vidéos, des freestyles? Ouais, c'est mon truc, tu vois, je balance des vidéos, des petits freestyles, des gros clips, tu vois, je balance. Faut envoyer, je suis obligé, non? On va envoyer maintenant, c'est ce qu'on demande. Allez, c'est parti. Jaune Feno au contrôle de la nocturne. Dans un instant, il y a du live. Ah bon? Écoutez les révélations rap français tous les vendredis dans la nocturne 100% rap français. Le hashtag, c'est la nocturne sur Skyrock. Trop de rappeurs s'inventent une life. Sur Panama, on sait qui est qui. Ils savent très bien que le public est naïf. Ils font les riches quand ils pètent un petit yépi. Ok, tu vends de l'air, de la M et de la C. Certes avec ma gueule, mais tout Paris bibi. Y'en a assez, les gars, c'est. Vos buts et vos clashs, t'as tout pas que Biggie. Check ça, ça fait des checks sales. Je les vois, les prods appellent ma phénodique ça. H24, t'as la fuite du blé. Toujours en livraison, mais bon, c'est pas des pizzas. On fait gaillard, au comico. Fais mes gaillards, ouais. C'est là, c'est pour Jonas, le général. B2M et mon gars va bim bam. Gringo, si la peine est lourde, casse pas ta tête, saute par la window. Wesh, ouais, go, c'est les parigots. Ton carré peu pro. Comme la Copa Willow. Comme la Copa Willow. Et oui, gros, Joel Feno, fume le micro. Les concurrents, je vois plus sur mon rétro. Sur les rigs allemands, moi j'ai mis la nitro. Mais gaffe à mon DJ, tu t'amuses trop. Cette année, ça va rafaler. Quand on se branle sur des putains de freestyle, ces gros salopes vont avaler. Les milieux sont, je suis agacé. Le rap d'aujourd'hui, c'est jacassé. Des singeries, faut les racasser. MEC, racassé. Chiki check ça, ça fait des check ça. Chiki check ça, ça fait des check ça. Des fois, les prods, appelle-moi Phénodique ça. Des fois, les prods, appelle-moi Phénodique ça. Je le phénomène, ouais. Je le phénomène, ouais. Freestyle, ça y est, deux. Freestyle, ça y est, deux. Wesh, ma gueule, c'est la guerre. Rafaler la prod, elle est le procès. Pour un feat, ouais ça suce. J'ai vu de trop en faire, j'ai trop trop pessus. Allez écouter, c'est tous des grossistes. Ouais. Des mecs en Valka ou des assassins. Conso en cours, je tapais en vain. J'ai du sale dans la salle de catassin. J'catapute les concurrents. Si t'as pas capté, je les monte en l'air. Ta pute, moi le plaisir, je le compte en roro. Au kilo d'air. Ouais. Terrain, t'as vu depuis les pénopries. Bizarrement, les choses ont évolué. Ouais. Pour la haisse, escroqué, puis cravé et volé. J'ai la tête prise par le bise. Tu voulais du sahib par la fille. On s'en fait avoir par la tise. T'as compris des billets, tu me tapes la bise. MDR, allez, dégage. J'en ai jamais marre de parler de cash. Manque pas de respect, je t'enverrai ma reçue. Te remettre en place avec de baf. Bla bla bla. C'est comme bla. C'est mon compas, cabracada. C'est magique, ça fait ratata. Quand tu dis que tu pèses, mais tu ratata. Bref, c'est le 7-5-0-20. Fais nous qui revient pour que c'est la fin du game. Fais ça, ça aide, fais des ravages. Fais nos arrages. J'ai l'instrumentalisé à Dunker. Check ça, ça fait des check ça. J'ai qui check ça, ça fait des check ça. Des fois, les prods, appelle-moi Phénodique ça. Des fois, les prods, appelle-moi Phénodique ça. Joue le phénomène. Ouais. Joue le phénomène. Ouais. Freestyle, ça y est, deux. Freestyle, ça y est, deux. Chiki check ça, ça fait des check ça. Chiki check ça, ça fait des check ça. Des fois, les prods, appelle-moi Phénodique ça. Des fois, les prods, appelle-moi Phénodique ça. Joue le phénomène. Ouais. Le phénomène. Ouais. Freestyle, ça y est, deux. Freestyle, ça y est, deux. Planète rap. 100% rap français. Oh my god. Ça c'est un son de la mixtape de Chaque à l'attitude volume 1 qui est disponible sur YouTube. En tapant toujours Joe le Feno, vous trouvez Chaque à l'attitude. Tous les sons de la mixtape sont disponibles. Ok, ce son il s'appelle La Sombritude. La vie de cité c'est dur, l'argent n'est pas facile, ego n'écoute pas les gens. Toujours pareil pour un plan alléchant. Trop d'humains on géchant, cause du shit ou une meuf j'écharre. D'autres à cause du placard, d'autres on fait piquer par les stars. Les stars tapent dans l'acier, nous on tape les tarots. Les guettes tapent dans les seufs, tata star dans la night, ça barote comme les carreux. Et carré à Paris, y'en a qui se prennent pour des carrés. Carré elle feuta, comme d'habitude en fait. La truc je la prends en vrai, le au check son veut du choca. Échec, les decks veulent qu'on goûte à l'échec. Moi j'ai que 18 balais, mais je cloue pas mal de bec. Mon son c'est de la patate, le tien c'est du toc. Mes chacals veulent que choque. Big up à chic et joke, Joe il kick sale, tu le sais. Je torture le MIC, j'ai tout frais, même si je fous le feu au cul des MEC. Dans ma tête ça tourne pas rond. Faut que je fasse les choses carrées. Car mes soucis, je suis le patron. Faut pas trop faire du sale car la vraie vie c'est pas ici. Certains suivent le chemin du chétan attiré par le râle ici. Y'a pas d'issue dans la rue à part celle de l'illicite. Pour gratter tes potes sont là, mais quand y'a de la tes potes hésitent. Bête de zik, la prod des cannes, tranquille mes rimes. Il faut que je les cale en 2013. Tu peux manger deux piges pour 20 grammes de cam. Wesh ma gueule, les schmitty tourne pire, pire que le boule de ta russe. De jour pour une meuf, ça pète son meilleur sauce. L'amitié n'est pas rush. N'est pas rub d'un tête à tête, on est tous conçus de la même façon. Soir musique et cinéma, on a tous un peu les mêmes passions. Bon passons, la vie de cité devient rainée. Les enfants de la rue prennent exemple sur leur aîné. Des gains cramés, catalogués depuis l'élémentaire. La street, les vrais, les faux, les galères et les menteurs. Un moteur attire les fous comme le fromage attire les souris. J'ai des potes nerveux et d'autres qui gardent le sourire. Courir après les sous, t'assure que ça rend fou à force. Les paroles du FN, qu'est-ce qu'elles sont atroces. Je m'accroche malgré les coups bas de la vie, je garde la tête haute bas. Mon avenir se trouve dans le rap ou bien peut-être autre part. Sombre est l'époque de nos jours, tu te fais porter l'œil par tes propres potes. Gros, c'est la sombritude, un petit tube pour le projet de là, chaque à l'attitude. Gros, c'est la sombritude, un petit tube pour le projet de là, chaque à l'attitude. Gros, c'est la sombritude, un petit tube pour le projet de là, chaque à l'attitude. J'ai dit, gros, c'est la sombritude, un petit tube pour le projet de là, chaque à l'attitude. Ouais, ouais. C'est la sombritude. Phénophrie Style 2. Bien, bientôt 5 piges que je balance des homicides. Recherché par les rageux, 2-0, c'est comme mon domicile. Ouais. Ils sont pas dociles, mais des semi-pites très enragés. Quand nous le trônons, c'est tes œufs qu'on va arracher. Sur les tariens, je crache. Maestro moqué sur Skyrock, mes amis. Il fait pas faire et faire du rap, péter mon talent fâché. Mon savoir, je l'ai chargé. Parce qu'il faut rester armé aux portes de la réussite. Pour l'instant, tout est fermé. Mes textes sont durs à cerner. Mais pas que facile à berner. Niquez vos deux temps. Et ça je me permets, ouais. On parle dans le rap sans permis. Les boîtes, gros je les termine. Mon David perd, les faux MC sont comme de la vermine. Attends que je termine, je vois la concu qui craque. Ramène une instru, que je fasse un joli massage. S'appelle Maestro Moqué. Les oreilles comme un petit massage. Même si les mots sont crus, on fait quand même passer le message. Style free, style. Fais nos free, style. Que pas toi, Blacka, Blacka. Fais nos free, style. C'est Blacka, mon gars. J'ai un 16, Blacka, place tes actus. Non, je veux pas faire d'un 16. Dis-moi quel âge as-tu. Quand je le fais, non, Fais néné. Navré, je crois non, non. Qu'on me ramène un siège. Car tout ce que je fais, ça tue. Je suis toujours en direct. Du X, t'es miré. Quand je suis style, je reste privé. Attends ici, du gars privé. Tout raté ici. Hostilité, gros dégâts, vengeance, fulgurante. Attitude militaire, chacalité, sale qualité. Ouais. Réga, chaque cat, la banane, Blacka. J'étais mal, chaque face de Navas. Girafe, pas moi, je m'arrête sans pas super. J't'écrase des traces d'oise. Manaï, j't'écrase en lavage. J'pérate, crank, classe one. Des tasses, mais des tas de bras. Tu dépasses donc tu cavales. Et Jacques, faut cavale. Mes gras, mes graves calmes. J'suis là de sale line. Et là, j't'efface. Style, pick up à toi, Blacka. Fais nos free. Style, fais nos freestyle, ça date en fais nos free style. C'est toujours d'actu mon gars, c'est le fais nos free style. Lourd et l'instrumental, obèse et le flow man. Pour me tester faut du mental, j'ai les faces qui font mal. Le second fait nos freestyle, si tu kiffes, t'as du goût. Là tu penses que je suis à fond, même pas du tout. Du coup c'est qu'un aperçu vite. Blacka et Maestro, je pourrais péter le cancer du rap. Par les MC, je les caille trop. Je dans aucun resto, si t'es une salle grasseux, je connais des mecs pigeonnés, je connais des meufs brasseux. Rafale de rime dans les oreilles, laisse-moi faire le feu tard. Goûte à mon son, t'en deviens accro, comme le soquet de Meda. La mixte est arrive, le phénomène relou, tu sais qu'il est. C'est dit Ramrama Oulida amouré. Check il est. Check il est des proies pour percer. Certains font des révélations. J'aurais fait l'eau, c'est pas la relève. C'est juste une révélation. Les garçons par ici ça kick et certains se retrouvent effrayés. Le rap n'est pas mort, juste il dort et le phéno vient pour le réveiller. Enfoiré. Style. Phéno free. Style. Free. Style. Phéno free. Style. Free. Style. Phéno free. Style. Wouh. Phéno free. Style, le garçon s'appelle Joe Lfeno dans la nocturne 100% rap français. Joe. Ouais, ouais, ouais. Joe, avant de se quitter, est-ce qu'on finit avec un live? Oh, bah, je sais pas, hein. Est-ce que tout le monde est chaud là pour faire un live là? Ouais, on est chaud, mon gars. Est-ce que toujours. Pour faire un live toujours. Ouais. Est-ce que les gars sont chauds ou pas? Tu sais quoi pour toi, Fred? Ouais. Pour vous, pour Sky, pour tout le monde qui m'écoute là ce soir? J'ai un gros son, enfin un gros son. J'ai un son de ma mixtape Chaque à l'attitude volume 2 qui on sortira peut bientôt. On peut trouver où? Pas encore. Elle sortira encore bientôt sur plusieurs plateformes. Voilà, faut s'abonner à ma page pour voir sortira à quel moment, tu vois. Et puis je vais bientôt l'annoncer d'ailleurs, je vais bientôt mettre la date. Mais là, je vais le faire pour vous ce soir en live. Et ce son, il s'appelle L'Hollandais. Paré ? Paré. Nocturne, Joel Feno. L'Hollandais. L'Hollandais. L'Hollandais. C'est qui l'Hollandais ? C'est qui ? C'est qui ? Il est où ? On te cherche là, hein ? T'es où ? Ouais, Chacol. C'est enfoiré. Ouais, c'est toi l'Hollandais, hein ? Non, c'est toi. Toi. C'est moi ? Non, c'est toi. Je sais pas. Qui ? Non, mais j'ai dit, c'est toi. Moi ? Non, arrête. L'Hollandais, on l'appelle l'Hollandais. L'Hollandais, son nom c'est l'Hollandais. L'Hollandais, l'Hollandais, vit comme un Hollandais. L'Hollandais, on l'appelle l'Hollandais. L'Hollandais a du shit, shit. L'Hollandais a de la beuh, beuh. L'Hollandais a de la C, de l'héros, du queutra, il a tout ce que tu veux. Ah bon, ah bon, ah bon. On l'appelle l'Hollandais, l'Hollandais. Parce que depuis tout petit, les clients le demandaient. L'Hollandais, l'Hollandais, l'Hollandais. A grandi dans un quartier qui débitait. L'Hollandais, yeah. N'a jamais personne dans un réputé. Yeah. L'Hollandais, c'est pas le bénef qui lui manquait. Jamais il s'en vantait. Aucune vie s'en vantait. L'Hollandais, l'Hollandais, on l'appelle l'Hollandais. Ouais. Ouais, l'Hollandais, ouais. Son nom c'est l'Hollandais, l'Hollandais, l'Hollandais. L'Hollandais, yeah. L'Hollandais, il en a fait des drogués. Partir ça c'est son soquet. Dans tous les quartiers coqués. L'Hollandais, l'Hollandais, l'Hollandais, l'Hollandais. Ouais, ouais, ouais. L'Hollandais, ouais. On l'appelle l'Hollandais. L'Hollandais, son nom c'est l'Hollandais. L'Hollandais, l'Hollandais, vit comme un Hollandais. Ouais, ouais, l'Hollandais, ouais. Son nom c'est l'Hollandais. Pas de marque de luxe, mais c'est sûr qu'il est coté. Coté. Il a toujours voulu chiffrer, jamais il a douté. Douté, douté. Une douille deux, il a goûté. Goûté, goûté. Pour son matos, l'Hollandais était presque à deux doigts de se faire shooter. Shooter. L'Hollandais a quitté les bords de l'école à 16 ans. Parce que l'Hollandais les bras c'est coûte que coûte, quelle que soit la saison. Paris me d'un que déviré, t'es pas trop tarifé. Tout le monde en salivé. L'Hollandais, l'Hollandais, vit comme un Hollandais. Ouais, ouais, l'Hollandais, ouais. Jamais se lamentait. L'Hollandais, l'Hollandais, l'argent il sait comment faire. Ouais, ouais, l'Hollandais, ouais. J'en fous de vos commentaires. C'était la S, il voit que dans le check ça débite grave. Donc il s'est mis à bi grave. Et voit ses péchés, c'est assez stressé par son passé, pressé de se casser vu que la cité l'a oppressé. L'Hollandais n'a fumé personne, pourtant il est réputé. Ouais, l'Hollandais, ouais. Côtoie des criminels aussi des PD. L'Hollandais, tous ceux qui l'envient veulent le voir décéder. L'Hollandais n'a fumé personne, pourtant il est réputé. C'était la S, il voit que dans le check ça débite grave. Donc il s'est mis à bit grave. La S, il voit que dans le check ça débite grave. Donc il s'est mis à bit grave. L'Hollandais aime brasser les lovés. Ça coûte 16 de monter. Connais bien la fonce des deux ou trois gondés. Amené à volonté, viens te la livrer volontiers. L'Hollandais. L'Hollandais. L'Hollandais, et qui est l'Hollandais? L'Hollandais, l'Hollandais, vit comme un Hollandais. L'Hollandais, on l'appelle l'Hollandais. L'Hollandais, l'Hollandais. C'était la S, il voit que dans le check ça débite grave. Donc il s'est mis à bit grave. Et voit ses péchés, c'est assez stressé par son passé, pressé de se casser vu que la cité l'a oppressé. L'Hollandais, l'Hollandais, l'Hollandais. L'Hollandais, l'Hollandais, l'Hollandais, l'Hollandais, l'Hollandais, l'Hollandais. La nocturne 100% rap français avec Joel Feno. Ah bon. Merci Joe. Merci à toi Fred, merci. Alors, à toi. Il faut suivre Joel Feno, rappelle-nous où on peut te suivre. On peut me suivre sur toutes les plateformes, c'est-à-dire sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, allô. Joe le Phénomène, sur Snap. Allô. Attention, je snap beaucoup en ce moment. Ah, là, c'est vrai, actif. Tu snaps à fond. Ah, en ce moment, je snap. Pheno75. P-H-E-N-O75. Venez, il y a beaucoup d'actu. Et donc, ce morceau en exclu, on pourra le retrouver, c'est ça, sur une mixtape. Sur que ma tu mixtape sors. Qui sort bientôt, ouais. Chacun Latitude Volume 2. Et ben, merci à toi, à toute l'équipe, la banane du 20e qu'on salue. Merci à toi, Fred. Tous ceux qui n'ont pas pu venir, il y a eu du monde qui voulait venir, mais bon, la nocturne, c'est un peu resserré. Et ouais. Merci à toi, en tout cas, Joe. Merci à toi, ça fait plaisir, c'est un plaisir. Et merci à tous ceux qui m'ont écouté. Tu connais, on est ensemble. C'est la guerre. Et reviens vite nous voir. Ah, c'est très bientôt que je reviendrai te voir là. À très vite, Joe. À très vite, Fred. Ciao. Ciao, ciao. La nocturne avec Joe Lfeno. Planète rap. 100% rap français. La nocturne. Elams Alonso, il était notre invité cette semaine entre 20 et 21. Ouais. Elams Tonda Marine, tu connais ses comptes. Suis d'elle, alcool, dans la vitelle. Tu me suis sur Twitter, follow 100 000 vues en même pas une heure. Même en sur 10 heures, la sacrée est sur le viseur. Même si je te couche comme un Weezer, t'es sur le banc de couche. Et moi, titulaire, on est populaire. Ils nous pompent l'air, on en a pompé en herbe. Chez nous, des poussières, normal. Règle mon compte, c'est comme d'hab. Papé, tu connais, au terre-terre abonné. Non, faut pas déconner, tu sais qui t'es le rente. On part au combat. On monte en bombe, la frappe en bac, mets les clés sous le contact. On part au combat, on monte en bombe, t'es plus d'accord, ça s'y attend dans ce contrat. Ma ville c'est Gomorra, y'a tout tu cherches Heja. On s'en bat les couilles, man, un jour il faudra rendre l'âme. Une piña colada, j'trace en Espagne, elle m'attend dans le sauna, j'vais la mettre dans le coma. Ou galope, salope, je sirote mon siroc. Tu provoques, tu vas glisser. Poto, je suis réglo, c'est comment tu m'en dois. Le bénéf, le réseau, tu vas glisser. Tu cherches un plan B, t'inquiète, on connaît tout l'alphabet. Et l'âme, si leur calme, sinon je vais les rombas. On part au combat, on monte en bombe. La frappe en bac, mets les clés sous le contact. On part au combat, on monte en bombe. T'es plus d'accord, ça s'y attend dans son compte. Elams était toute la semaine dans Planète Rap, l'album est sorti aujourd'hui, je suis Elams. Dédicace à nos amis marseillais, Sopra qui débarque dès lundi 20h-21h dans Planète Rap sur Skyrock. La Planète Rap sur Skyrock. Mais où c'était en feu sur ça là. Sneezy, Nekfeu, Kurt Cobain, UDNC, Senzo. Personne n'est dans cette ouais. Je fais mon retour comme Zinedine en 2005. Paris Saint-Germain, je suis dans la ville sainte. Tu gobes mes conneries comme si c'était du flan. Tu flambes avec ton succès en demi-teinte. De te découper comme jambon de Parme. Rebeu est très précis, visage est expressif. Tu peux nous écouter sans qu'on te parle. Ton père le dépressif. Je respecte aucune loi sauf celle de la Sunna. Balance ton tarpé comme pendant fête nationale. Sous la semelle, on a tout l'arsenal. Arsène Wenger, on a tout l'arsenal. On a cassé des barres, on a cassé des culs. Mardi, là, j'ai jamais les lacets des faits. La plupart des rappeurs m'ont assez déçu. Je préfère écouter du ACDC. Ouais, je sais comment. Ton gars sur ta bien baisé, là, c'est commun. Là, c'est commun. Là c'est des c'est rien à foutre de la vie de ces petites moralistes. Tu donnes les leçons t'as même pas encore appris. De mauvais comportement comme enfant capricieux. Ferme ta gueule quand pendant lecture coranique. J'ai plus de jus mais c'est que le début du jeu. J'ai hâte du dernier combat vers l'épilogue. Me parler plus du passé dans l'avion surclassé. Et me confond surtout pas avec le pilote. Les vestes retournent depuis qu'il y a feu dans les charts. Et que WP a sorti un WP pour niquer ce game. On le fait en WP, fait de la place on arrive à deux dans les charts. Ta tête met à juste amuser le crew. Au lieu de béflan va mettre ton téflan. On tire pilosante ne fais pas l'innocent. Tellement tu balances. T'as même accusé le coup. T'as vu les failles. Au commissariat t'as parlé noachi. T'as pas fait le kite. On leur tire pas dessus. On baisse juste la police comme Saïd. Tu sais qu'on baise. J'suis au fond de la gorge d'un canon. Canon au fond de ta gorge. Comme Skull Co-Bang. On cherche l'argent dans la piscine depuis bébé. J'suis en love sur une meuf qui s'appelle Courtney. T'atteins le nirvana quand tu vis à fond. Je rate pas ma cible, c'est comme au biathlon. J'ai laissé une lettre sur les lieux, tu me cries. Chemise de bûcheron et fusil à pompe. Go. Go. Go. Go. Go. Go. Go.

J'arrive, il arrive, je suis frais, il est frais, comme d'hab, tu souffres, j'esquive, il esquive, les flèches, comme Jones, chaque jour, elle est lourde, t'es lourde, elle est belle, Pokéball, Pokéball, je la choque, je choque, je suis chic, je suis cher, je suis chaud, chaud, je suis choc. On se baisse, on se baisse, on se baisse, on se baisse, on se baisse, on se baisse, on se baisse, on se baisse, on se baisse, on se baisse, on se baisse, on se baisse, les fous, tu charges, les murs ont des oreilles, après vos traces d'autres à couvert, je suis pas discret, comme 007, et tu blagues à ta tête. On shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot, des sapés, blé-té-té-dang, blé-té-té-dang, blé-té-té-dang, blé-té-té-dang, blé-té-té-dang, blé-té-té-dang. On shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot, on shoot, des sapés, blé-té-té-dang, blé-té-té-dang, blé-té-té-dang, blé-té-té-dang, blé-té-té-dang. Planète Rap, 100% rap français. La nocturne, il vient du XV Barbare. Chebet, avec Hamza. Hola, c'est le morceau maintenant dans la nocturne. Ghost Killer Track, mec. Hey, oh, Chebet, on sap. Je m'ouvre tant tourner la dope. 2000 pour les futurs en robe. C'est vrai qu'on a fait de la route. A jamais affilié en rôle. A 12 ans de la première cover. C'est tout qui s'est passé des choses. Oh là oh là oh là oh là. Qui dit les ceux qui riment, d'autres qui feraient mettre s'en aller vivre sur une île, finir leur vie de bandier. On va faire la oula oula, j'ai roulé Saint-Yves, appelle la synthétique. La lumière de la ville me laisse pas dormir. Il se aussi vite que t'as cherché l'ennui. Je veux toujours rouler à fond dans cette char. Si on se déplaçait pour les soirs. Oula oula oula, je suis dans la jungle. Je suis là pour le meilleur, mais capable du pire, baby, faut que tu me comprennes. Et les ennemis, tu vas plus venir. Je me vois tant tourner la dope. 2000 bornes effectuées en robe. C'est vrai qu'on a fait de la route. Voilà, voilà, voilà, voilà. A jamais affilié en rôle. A 12 ans de la première cover. C'est sûr qu'il s'est passé des choses. Voilà, voilà, voilà, voilà. C'est tout pour la moule, yeah. Couper la coca des coupes, yeah. 45 noirs comme un poume, oh. A jamais affilié au hit, oh. Maintenant ils font tout ce que je veux. Pour la pimpa c'est le feu. Je prends les anges, je donne du bon. Viens t'inviter sur le corps, oh. Le sac est plein rempli de mag, oh. Le sac est plein rempli de mag, oh. Y'a pas dans le hood, tout le monde nous connaît, yeah. Je m'ouvre tant tourne la dope. 2000 bornes effectuées en robe. C'est vrai qu'on a fait de la route. Hola hola hola hola. A jamais affilié en rôle. A 2 ans de la première cover. C'est sûr qu'il s'est passé des choses. Hola hola hola hola. La nocturne. Chai, nouveau son. Ma Biche. Mère me dit rester sage. Laissez passer cet orage. C'est aujourd'hui qu'on passe. Pas demain qu'on quittera le rage. Ma mère me dit rester sage. Laissez passer cet orage. C'est aujourd'hui qu'on passe. Pas demain qu'on quittera le rage. J'ai dû rafler, rafler. D'aller, d'aller. Je me dis moi, salve, salve. Faut mettre bien la mif, donc faut mailler, mailler. Des euros dans ta poche, y'en a jamais assez. Je rêve de quartier, quartier. Va dire à mon ex, il a raté, raté. La daronne pense au bled, elle en a vraiment bavé. Je me battrai jusqu'à ce qu'on puisse évader, fader. Le corps d'une princesse, visage maléfique. Tu t'es fait ketchup, je trouve ça magnifique. Tout marche pour moi, rien marche pour ça.

La recette c'est deux feuilles, une clope, un briquet, la bonne matière. Et là tu peux commencer à rouler, à brûler et concocter un bon mix-up, quoi, te scotcher sur une chaise, à empisser dans ton slop non-stop. Dans mon entourage y'a pas de petits joueurs, car à n'importe quel endroit et n'importe quelle heure, on roule et fume et fait tourner selon la coutume. Et c'est la bague passe, mon grand faut qu'on t'assume des thunes. Si t'en veux faut faire dans la qualité, client satisfait et tu seras vite réputé. L'ustensile du métier est un schlasse bien affûté, malgré le soleil qui tape sur les crânes rasés. En été, vois ce que ça fait de fumer. Et en hiver, enlève tes gants, je veux te voir rouler. Un joint bien dosé de cette merde médiatisée, bientôt légalisée, tu pourras l'acheter en vente libre, pété ivre, partout des coffees. Tu chopes une pochette, mais ce n'est pas du profit pour la Tessie. Petit à petit, ça baissera le marché. Et là, tout le monde se mettra à refourguer la CC. Et à l'occasion, si tu nous vois foncer, c'est pas aux extas, on se fout pas ça dans le nez. Ah non, c'est pas pour moi, moi aussi. À la rigueur, un whisky coca avec chacun à la main, un big poteau lié à l'allumer, un big fumé, c'est pas le calumet, la pêche qui seront popo, histoire d'animer, Rimka AP en moins de deux, auto consumé, Afghan et taille grasse, et le rôle 13 est enfumé, fallumé, une big fumée, c'est pas le calumet, la pêche qui seront popo, histoire d'animer, Rimka AP en moins de deux, auto consumé, Afghan et taille grasse, all 13 c'est plein craqué. Quand tu fais tourner un spliff, personne te dit merci, même si c'est de la bombe de balle de Sensi. Et avant même d'avoir roulé, on dit vas-y, fais fumer, fais regarde fumer autour de toi si c'est bien toi de tirer. Et au placard, t'as le sourire aux lèvres. Dès que t'as le parloir, tu viens à peine de coffrer, tu penses déjà au split du soir. Des bâtards matons et de ce vieux plumard qui a déjà été rodé par des milliers de banlieusards. Et en soirée, direct au bar, j'allume mon pétard. Garçon, une Henken, pas de pastis ou Ricard. Fais de la place, connard, j'suis cher. Ouais, loupard en trois quarts, les yeux cassés, regarde mes yeux de gyrophare. Bien rouge, j'ai l'air paro barjo. Et même louche, le premier qui me bouscule, je casse la bibine dans la bouche. Je couche mes sous, je viens tant de cités et de métiers. Et à l'heure où je te pars, au 13 c'est plein craqué. Et à la fin, on fera péter les bouchons, les pochetons, trois feux de coscon et une coupe de cordon. On te laissera peut-être le carton et peut-être la taille en fond. A cette heure, si tu vois rien, tu fumeras comme un con. Comme un con. Comme un con. Le spliff. Il fallait mettre une pipe. Rimka et AP, Spike Popo, avant et t'as spliff allumé, une big fumée, c'est pas le calumé, de la pêche, qu'est-ce qu'on popo, histoire d'animer. Rimka AP, en moins de deux, auto-consumé, avant et taille grasse, et le rôle 13 est enfumé. Spliff allumé, une big fumée, c'est pas le calumé, de la pêche, qu'est-ce qu'on popo, histoire d'animer. Rimka AP, en moins de deux, auto-consumé, avant et taille grasse, et le rôle 13 est enfumé. Ouais, tu peux en rouler un autre, t'inquiète. Pigalle, samedi minuit, capote, saloperie, carotte. Dansez ce soir, Mephisto à la côte. Miséricorde à ceux qui vont en profiter. Et à quelques pas de là dans les cités. Ça pue la merde, ça sent l'herbe, les gens sont comme des cerfs. Dans le quartier, veulent quartier Lacoste. Ralph sont claqués, beaucoup sont claqués. Des bombes CRS, des militaires. À mort les porcs en décor sur les murs dehors. 2, 1, vas-y étudie le terrain. 2, 3, ça sent le soufre et le dawa. Réalité dans l'escalier, le petit sous télé grandit. Vie du camé, amé, amené au calné, planté. Tu me pousses, le push qu'à tous, nos vies et nos bourses. Tracé, y passer ou tout casser. Tes grands plans MJC, assez. Le million, le million. On s'envenime pour peser dans le Concorde l'autre nuit. Les flammes du mal ont frappé la thésie. Le temps des mots terminé, prier c'est grillé. Là-haut, ça répond pas, donc on s'allie au diable. Et comme Attila, on va piétiner ces élas, prendre par le sabre. Le sang et le feu sont réclamés par la foule. Sur le bitume, l'engrenage se déroule. Faire vu que le paradis n'est plus trop d'escrocs qui s'est

vie. Oh, je suis esclave que d'Allah. Donc voit les gangs sur le ring de la vie, j'évolue très à l'île. Claire que la première mesure, je m'allie au côté afghan, le Mali. Voilà pourquoi j'allie le drapeau des States, des Bill Gates, les têtes africaines, tête, peut-être. Faire des guet-apens sur nos petites têtes, tu t'aimes, peut-être, mon sgeg, peut-être. Que t'as les lèvres d'Angelina Jolie, trop souvent sur le rallye du vice. Faut que j'y donne des coups de frein au lieu de coudre, avoir le coup de plein de sang parce que la mer est salie. Depuis que la mer est salée, tout le monde s'entend pas malgré SFR et Distali. Trop de golden dolly, Mars, Délit, marche les clans d'Oli, marche c'est ta délit. Trop peu de gens achètent ces vérités. Pas grave, je rappe la qualité, pas la quantité. Oli du monde, le tiers monde fait trop la femme. Du coup, on voit pas la mort de la même façon, c'est le retour de flamme. On punit pas un homme avec la tonne ou ta mort. Demande au pote à Oussama quand il décolle d'un aéroport. On est tous au bord du gouffre. Espoir assassiné, un homme magasiné depuis le temps qu'on souffre. Je suis pas tes potes, mon sang, je vais le signer. Je rappe des rouges, seulement quand je suis un rubé. Fuck le monde, c'est énorme. Ici c'est 50, 50 fois énorme. On suit pas les critères imposés par l'homme. Pareil pour nos textes. On vit au target. Et c'est énorme. Ici c'est 50, 50 fois énorme. On suit pas les critères imposés par l'homme. Pareil pour nos textes. On vit au target. C'est la fin. C'est la fin de la nocturne avec les psychiatres de la rime au taquet à l'instant dans une semaine. Une pensée pour Sia. Et ouais, évidemment, s'il y a une grosse dédicace à Sia, psychiatre de la rime dès lundi, Sopra qui débarque. Hein, Samy? Vendredi, tu vas vraiment. Et dans une semaine, je serai au stade Vélodrome. En direct du stade Vélodrome, puisqu'on est à un an avant le gros concert de Sopra au stade Vélodrome. On fêtera ça un an avant. Tu sais, tu découpes, tu vas sur le rond central, tu découpes le rond central, tu me le ramènes. À ce point-là? Ouais, le point d'engagement, okay. Tu me ramènes. Bah, on va essayer de négocier. Je te garantis rien, Samy, mais on va essayer de faire un truc. C'est le sanctuaire pour moi. Et bah, vendredi prochain, en direct de Marseille, du Vélodrome. Magnifique. Et dès lundi, en direct de Paris avec Sopra. Soprano. Merci à vous tous d'avoir suivi la nocturne Fabuleux. Ouais, bah, il est là. Ouais, bah, il est là, ouais. C'est fini, Fabuleux, on reprend, là. Vas-y. Bonne nuit à vous tous, merci pour cette nocturne. C'est fini, 2h10, il est temps de tirer les stores. Ciao. Rap and R&B non-stop. Non-stop. Non-stop. Non-stop. Non-stop. Non-stop. Non-stop. Non-stop.